C'est la vie, Lily. Quand tu vas dans les rues de la ville, tout le monde t'admire et tes sourires et ta jeunesse font rêver les soldats. C'est la vie, Lily. Quand tu vas dans les rues de la ville, que tu es belle, pas très fidèle, trop souvent tu flirtes avec les soldats. Tourne, tourne, le temps passe dans tes yeux devant ta glace, mais toi tu ne le vois pas passer. C'est la vie, ma Lily. Quand tu vas dans les rues de la ville vendre des roses ou autre chose, mais tu donnes tant de nuit aux soldats. Tourne, tourne, le temps passe dans tes yeux devant ta glace, mais toi tu ne le vois pas passer. C'est la vie, ma Lily. Quand tu dors dans les rues de la ville, tu es bien vieille, tu te rappelles qu'autrefois tu faisais rêver les soldats. Temps passe dans tes yeux devant ta glace, mais toi tu ne le vois pas passer.